histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, Charlotte Pouche et Anna Schmuck nous ont raconté le parcours d'une secrétaire, Nadine. Elle nous a raconté ses souffrances et sa solitude, un métier presque exclusivement féminin, une vie de travail au service des hommes et d'un lieu auquel elle apprend et s'adapte sans cesse. De la sténodactylo à la secrétaire, puis à l'assistante de direction, Nadine nous raconte un parcours souvent difficile. Riche de 97 CDD et de 3 CDI, elle a toujours combattu et gardé le cap, même si l'évolution de son métier peine à être valorisée. Nadine, c'est avant tout une femme en quête de liberté. Ça m'angoisse. J'ai des sommeils agités. J'ai des nuits très agitées en ce moment. Je dors très peu. Tu fais des cauchemars ? Oui, je fais des cauchemars. C'est fou, hein? Oh, ben, t'en as beaucoup aussi qui sont difficiles. Hein. On ne peut pas les empêcher de se faire des soucis. Hein. Et ça, c'est dans la nature de chacun. T'en as, bon, ben, comme moi, bon, on laisse faire les choses, on verra bien ce qui va arriver. Faut vivre au jour le jour maintenant. On ne sait pas, on est dans le flou. Normalement, il y a peut-être repreneur, mais on ne sait pas. Donc, j'ai travaillé dans une entreprise textile et à un moment donné, les patrons de l'époque ont revendu leur entreprise à un repreneur. Et dans les quelques semaines qui ont suivi cette reprise chez Belmaille, j'ai été convoquée pour me signifier, tout simplement, si on peut dire le mot, tout à fait, signifier que j'aurais, à partir de telle date, c'était au mois d'avril, des tâches qui m'incombaient en plus de mes tâches en place. Et quelles étaient vos nouvelles tâches en plus ? Alors, il avait licencié une personne qui était au standard, réceptionniste, standardiste, et il voulait me mettre à sa place. Donc à l'époque, il y avait quand même 60-80 appels jour. Alors tout de suite, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je manipulais des fils et en même temps, j'avais un standard et des appels à gérer. Tout de suite, j'ai averti l'inspection du travail qu'il y avait un problème. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans vos missions de secrétaire ? Vous avez eu un... Eh bien, une énorme surcharge de travail. Les secrets d'une secrétaire, acte 2. Nadine, la lecture pour survivre. En ma qualité de secrétaire, donc du cabinet d'entreprise, j'avais les preuves matérielles, les écritures qu'il dénonçait le déclin de l'entreprise et la fermeture de l'entreprise, ce qui générait forcément des inquiétudes pour la perte de tous les emplois et du mien. Non communiqué. L'administration n'a pas d'information sociale. L'administration judiciaire, c'est marqué, il n'a pas d'information. À la date du présent de ce questionnaire n'a toujours pas été renseigné. J'en suis pantoise. Toutes les questions auxquelles nous avions préparé le patron n'apportaient aucune réponse. Donc c'était indéniable, il y avait une façon délibérée de casser le travail et ça annonçait déjà la fin. On sentait qu'il y avait une pression dans l'entreprise que des licenciements à moyen terme se préparaient. Nous, les élus, la CFDT, on avait fait des demandes sur des documents comptables qu'il est obligé de nous remettre. En principe, je me suis syndiquée en début d'année 2007. C'est rare qu'une secrétaire prenne cette charge, surtout dans le textile. Vous vous souvenez d'un tract que vous avez pu écrire ? Oui. Je me souviens notamment d'un tract, mais on avait réfléchi pendant des heures. Notre patron siphonne l'entreprise. Ça avait été très percutant, sobre, court, percutant. Oui, je me souviens, il avait arraché la fiche, il l'avait balancée au visage de notre délégué syndical. Cette simple phrase nous avait pris des heures. Donc finalement, vous avez transposé votre métier de secrétaire au sein de l'entreprise. Oui. Vous l'avez transposé au... Oui, tout à fait. Une secrétaire est une personne qui détient des secrets. Elle tait des secrets. Les secrétaires sont le plus souvent des femmes. Cela prouve que, contrairement aux clichés, une femme est plus digne de confiance qu'un homme quand il s'agit de tenir sa langue. Quand le secrétaire est un homme, il est secrétaire général du parti. Ses connaissances deviennent l'instrument de son pouvoir. Il se sert des secrets qu'il détient. Ne l'était pas. La question du secrétariat est une question passionnante qui interroge le partage du monde. Le secrétariat mène à quoi, à votre avis ? À tout, à rien. C'est un mot qu'on a très très mal défini. Personne ne sait le définir jusqu'à présent. Surtout en France, et c'est d'ailleurs là la chance de chaque individu, parce que c'est assez facile de le transformer en fonction de sa personnalité. Je veux dire que jamais on ne donne à une secrétaire ce qu'on aurait donné à une autre secrétaire. C'est un peu en fonction de la personnalité. Elle fait le poste, elle crée petit à petit le poste. La définition du dictionnaire est enthousiaste. La secrétaire joue un rôle essentiel dans le fonctionnement d'un service, d'une entreprise, d'une administration, d'un cabinet d'avocats, par exemple. Entre l'accueil des visiteurs, la réception des appels, les prises de rendez-vous, l'organisation de l'agenda de son responsable, la rédaction des courriers, le classement des dossiers, ses missions sont au cœur de l'activité quotidienne de l'entreprise. Il lui est donc demandé à la fois une grande disponibilité et beaucoup de réactivité pour faire face aux multiples sollicitations de ses interlocuteurs internes et externes. Je remarque que dans cette définition, il n'est pas question de garder des secrets parce que c'est un secret. Dit autrement, la secrétaire est les yeux, les bras, l'intelligence et la mémoire d'un autre humain ou d'une collectivité à qui elle se dévoue corps et âme, mais on ne le dit jamais parce que c'est un autre secret. Votre relation avec le patron a changé à ce moment-là ? Quand vous êtes entrée dans le syndicat ? J'avais pas de bonjour le matin. Il passait devant moi, il me regardait pas. J'étais transparente. Ça m'oppressait et en fait, j'ai fait la même tactique. C'est vrai, j'éprouvais même presque un certain plaisir. On peut le faire, hein ? À lui rendre pareil. Quand je le voyais arriver, je baissais la tête et je travaillais. Et là, je me suis dit, si l'entreprise ferme, eh bien, pour moi, ça va falloir que je recommence. Il me restait encore quelques années à faire. Et là, je me suis dit, je suis mal barrée. Donc, j'étais plutôt mal. Mais le comité d'entreprise m'a permis, mes fonctions m'ont permis de moins me relâcher, de me ressaisir peut-être, de résister. Alors j'étais surchargée de travail pendant 4 ans, mais la dernière année, j'avais plus rien à faire. Oui, il y a un déclin, oui, j'ai senti le déclin, oui. Les deux dernières années où j'ai senti le déclin, j'avais moins de travail, effectivement. L'espace du travail se réduisait à peau de chagrin. Et peut-être que dans le syndicat, j'ai peut-être trouvé à rebondir, à me reconstruire. Et dans un second temps, je m'échappais par la lecture. Personne ne le voit. Je lis. Je lis, alors je fais ça. C'est un nouveau livre, parce que j'en lis un par jour. Là, aujourd'hui, j'ai pas commencé. J'ai pas commencé. Hier, j'ai lu L'Asphyxie de Toujours Violette Leduc. C'est spécial. Hein. C'est un peu du Jean Genet. Hein. C'est space. Hein. Donc, je fais ça. Je prends plutôt des petits livres. Et puis, je fais ça. Et puis je travaille, elle est là, et puis je fais ça. Je fais ça toute la journée. Depuis une semaine, je fais ça. Je me suis dit, que de faire semblant de travailler, il faut lire, parce que je peux pas faire semblant. À un moment donné, on peut pas faire semblant de travailler, on peut pas rester là, attendre. Donc j'ai pris cette solution et ça me va bien. Personne n'a vu que je glissais. J'ai tout glissé. Moi, je la vois à son poste, puisque donc moi, je rencontre Nadine dans le film. Geneviève Brisac. Les bobines et des hommes, le film de Charlotte Pouche. Et tout de suite, ce personnage, je vois bien qu'il est le personnage du film. Je vois bien qu'il est tout à fait... il est central, il est silencieux pourtant, très largement dans le film, et central. Et il a cette activité double, cette double vie qui est celle de la lecture, puisque... derrière le comptoir. Je crois que c'est la première phrase dont je me souviens. C'est un sourire malicieux, un accent malicieux dans la voix et de dire « Regarde, c'est ce que j'ai sous mon chiffon. Mon bloc. » En dessous. Et ce truc-là, ça rappelle à quel point la lecture comme activité libre, donc dangereuse, donc clandestine, tout le temps, en fait. Donc le livre, il est en dessous, comme le livre, il est sous la couverture quand on est enfant et qu'on lit alors que les feux ont été éteints, ou quand on lit en classe alors qu'on est censé écouter le prof, ou quand on lit quand on n'a pas le droit, quoi. Parce qu'il y a plein de circonstances où, paradoxalement, ce que les gens qui ne lisent pas ne savent pas, c'est qu'il y a plein de circonstances où, en fait, on lit contre, en fait. On lit pour soi et contre le monde. Ben, j'ai rencontré Geneviève Brisac il y a quelques années par ses livres. J'ai lu le premier livre d'elle que j'ai lu, c'est La Petite. Ça m'a reporté loin. Dans les années 80, j'avais lu un livre sur l'anorexie de Valérie Valère. Le pavillon des enfants fous. C'était une histoire qui me ressemblait un peu à l'époque. Je mangeais pas beaucoup. Il y avait une violence. Et je l'ai retrouvée quelques années plus tard dans La Petite. Je me suis un peu reconnue. J'ai pas pesé lourd. La tragédie en elle, du comique. La mère, la fille, la mère. Sur le moment des repas, oui. Sur le tragique de la situation, puis le comique. Parce qu'elle est un peu insupportable. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle se désemplit, mais elle remplit sa sœur. Donc j'ai souvenir d'un passage. Nook avale tout, bourre le yaourt de morceaux de pain. Et vide le sachet de sucre Vitanova dans sa poche. Sa poche explose, elle lape la soupe, enfile les légumes, une sorte de rutabaga cultivée spécialement pour les hôpitaux et les prisons. Elle insulte mollement la nourriture, elle sonne, le plateau est vide, nettoyé, il faut en redemander un autre, ne pas perdre une minute. L'infirmière entre. Le visage fermé, bien à l'abri dans sa cuirasse mentale anti-anorexique dangereuse. « J'ai tout fini, » dit Nook, pleine d'espoir. Nook, elle est dans la survie, là. C'est une question de vie et de mort. Et elle pense qu'en mangeant ses plateaux, que je mange, je me bourre, que demain elle va sortir de l'hôpital. Elle rêve, elle croit, elle a 12 ans, elle a 13 ans. Elle rêve. Ça se passe pas comme ça chez les grands. Je suis très frappée et touchée par l'aigu, la justesse de cette lecture. Ce qui m'a frappée d'abord, c'est le fait d'évoquer Valérie Valère et le pavillon des enfants fous, ce que jamais aucun critique professionnel n'a fait, alors que c'est justement la juste remarque. Parce qu'il se trouve que j'ai écrit ce livre petite pour répondre au pavillon des enfants fous, parce que ce pavillon des enfants fous m'avait fait beaucoup de mal. C'était un livre désespéré. Et c'était un livre... et on sait que Valérie Valère, d'ailleurs, s'est suicidée après. Ouais, elle avait 57 ans aujourd'hui. Exactement. Notre génération. Oui. Et moi, je voulais écrire un livre... qui montre qu'au bout du tunnel, il y a de la lumière, il y a de l'espoir. Et d'ailleurs, vous avez tout à fait raison de prendre ce passage de l'hôpital psychiatrique où cette jeune fille qui n'est plus moi depuis longtemps, c'est une jeune fille que je peux regarder vraiment comme ça, presque comme vous, en fait. Elle est convaincue qu'effectivement, puisqu'elle s'est rendue, puisque c'était une sauvage et qu'elle a mis les mains en l'air et qu'elle a dit « je me rends, allez-y, faites-moi ce que vous voulez, faites-moi grossir, j'accepte tout, je suis plus rebelle », puisqu'elle a rendu les armes et qu'elle mange tout ce qu'il y a sur le plateau. on va effectivement la libérer, la laisser vivre. Et ça, c'est cet optimisme-là qui va aussi avec la littérature, avec les contes, avec la lecture, avec tout ce qu'on partage toutes les deux. C'est quelque chose à quoi moi je tiens, parce que je pense que justement cet optimisme-là, c'est la vie. C'est aussi ça qu'on partage avec les livres, même en racontant le trou, la prison, le désespoir, la honte, la souffrance. N'empêche que la vie qu'on met dans les livres, elle est plus forte. Everyone carries a room about inside them. This fact can be proved by means of the sense of hearing. If someone walks fast and one pricks up one's ears and listens, say at night, when everything round about is quiet, one hears, for instance, the rattling of a mirror not quite firmly fastened to the wall. Quand j'ai lu Le Chagrin d'aimer, tout de suite j'ai pensé à un livre que j'avais lu il y a très très longtemps, qui m'avait percuté, Eleni de Nicolas Cage. J'ai dû aller retracer ce livre parce que je me souvenais de Turquie, de Grèce, d'Arménie, d'Anatolie, et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui ressemble à ce que a vécu l'auteur de Le Chagrin d'aimer. Il y a des similitudes. Il y a une transposition. Cette mère du chagrin d'aimer. Ma mère ne se souvient pas du tout de ma naissance. Avec émotion, dans un kamikaze élan de tendresse, je m'assois à côté de ma mère. Je crois pouvoir lever le sortilège. « Je voudrais, dis-je, que tu me racontes ma naissance. »« Ah, dit-elle, je n'en ai gardé aucun souvenir. »« Je ne suis plus qu'un bout de bois flotté. »« C'est sidérant, une réponse comme ça. »« Cette maternité, cette première maternité, puisque c'est l'aîné, ce premier bébé, oublié. » Oublié sur la plage, en bois flotté. La mer, MER, le bois flotté. La mer, sa mère, sa maman. L'oubli, pas de transmission. Bois flotté. Point. Ce qui est particulier hein, quand j'écoute ce que dit Nadine, c'est qu'au fond, c'est parce qu'il y a de l'impudeur aussi dans le fait d'écrire une scène de ce genre. En fait, c'est pour moi comme s'il ne s'agissait pas de moi. C'est-à-dire que je suis à l'extérieur de ça. Donc j'écoute Nadine comme si moi-même j'étais une autre personne qui observait la narratrice bout de bois flotté. Alors c'est parti exactement comme le dit Nadine d'ailleurs de cette scène de vie de ma voisine, cette histoire, puisque moi je n'avais pas d'expérience de qu'est-ce que c'est qu'une mère qui vous transmet quelque chose. Et donc quand Jenny Plocky me raconte son histoire avec sa mère, je vois qu'à cet endroit-là je n'ai rien. Qu'à cet endroit-là, c'est comme c'est vraiment l'exemple de l'amputation, hein, de l'infirmité. J'ai pas de, il me manque un bras, une jambe. Enfin, j'ai rien à l'endroit du cœur, l'endroit où une mère raconte à sa fille tout ce qu'elle doit savoir de la vie. Pour moi, c'est un endroit blanc. C'est un endroit qui n'existe pas. Et donc, forcément, c'est à partir de ce constat d'infirmité que s'est construit le chagrin d'aimer. Et je pense qu'il y a donc beaucoup de choses qui s'écrivent à partir de ce qu'on ne sait pas. Et quand des personnes comme Nadine les lisent, des grandes lectrices, des grands lecteurs, Elle s'incarne comme les fleurs japonaises dans un aquarium, finalement. Elle trouve leur raison d'être. Parce qu'en fait, quand on écrit, ce dont on n'a pas du tout parlé, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qu'on fait, on n'a aucune idée de si ça atteindra quelqu'un, on n'a aucune idée de si ça vaut la peine. Parce qu'il y a peine. Une écrivaine auteur, c'était important pour moi d'associer ces deux mots. J'ai cherché sur le dictionnaire, mais je ne comprenais pas. Que ce soit lié à l'argent, que ça soit lié à... J'ai pas compris, donc je me suis dit non, Nadine, tu vas pas... Tu fais comme tu le sens, toi, ce que c'est une écrivaine auteur. Donc c'est déjà un contact avec l'écrit, c'est charnel. C'est l'essence, c'est organique. C'est par le sens de ses mots à elle, par son style. Elle incarne, elle transmet. C'est l'harmonie de la mémoire. C'est l'harmonie de raconter, le dire, le vivre, le mourir, le penser, le déranger. Par ses mots à elle, voilà nomade et habité. Sans ses mots à elle, je ne suis rien. Avec ses mots à elle, je suis un petit peu là. Et c'est déjà quelque chose. Écrire pour ne pas mourir. Écrire tendresse ou plaisir. Écrire pour tenter de dire tout ce que j'ai compris. Dire l'amour et le mépris. Écrire me sauver de l'oubli. Écrire pour tout raconter. Écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture un jour s'achève. Pour vous, Nadine, l'objet livre, qu'est-ce qu'il représente physiquement et personnellement ? Quelque part, c'est un échappatoire. C'est une représentation déjà dans l'isolement. J'aime beaucoup lire dans une certaine solitude. Je n'aime pas lire dans le train. Je regarde les gens. J'aime lire dans la nature. Je ne me dévalorise pas avec le livre. Et vous, Geneviève ? Je suis une petite fille qui n'a pas été très aimée, donc il est certain que les livres m'ont permis de survivre à ça, hein, d'y trouver toutes les vies possibles et imaginables. Ce qu'on découvre assez rapidement, c'est que ce qui est très embêtant dans la vie, c'est qu'on n'en a qu'une. Et qu'au fond, elle est quand même un peu... Bah, elle est ce qu'elle est, quoi, mais il n'y en a qu'une. Et donc, vous vous apercevez que vous n'avez qu'une vie. Assez rapidement, elle est déjà assez entamée. Pendant longtemps, vous ne savez pas ce que vous allez en faire. Et puis un beau jour, vous savez ce que vous n'en avez pas fait, quoi. Donc ça, c'est un petit peu difficile. Ça peut même être assez attristant, déprimant. Et les livres, pour peu qu'on soit un peu imaginatif, c'est... toutes les vies possibles. Le plaisir de la lecture, ce que moi j'aurais presque consacré ma vie à transmettre, c'est le fait que quand on a découvert le plaisir de lire, on ne s'ennuie plus jamais, c'est déjà une chose importante, et on n'est plus jamais seul, d'une certaine façon, ce qui est une deuxième chose importante, et que les plaisirs qu'on éprouve sont innombrables. Et évidemment, c'est quelque chose que les gens qui n'aiment pas lire ne savent pas, ils ne l'ont pas éprouvé. Et on ne peut pas l'éprouver à la place de quelqu'un d'autre. Donc on est obligé, et c'est pour ça que moi j'ai été bibliothécaire, libraire, j'ai dirigé des revues, j'ai été critique, tout ça dans l'idée toujours de tenter de faire partager cet énorme cadeau de la vie qu'est la littérature, sous toutes ses formes, et il y en a quand même beaucoup, et aussi... qui est aussi de transmission, hein, transmission des autres, de ce qui s'est passé avant, des expériences qui ont eu lieu, de la temporalité du monde, du fait qu'on ait peu de choses sur la Terre, mais qu'on est relié à toutes ces autres expériences, finalement. February the 10th, Sunday. Noise. Peace. Et dans cette idée de la transmission, Nadine ? Oui, c'est une importance majeure. C'est ce que vous faites aujourd'hui ? Oui. Et c'est devenu votre métier. Tout à fait. Au moment que j'étais licenciée en décembre 2014, j'ai dit stop les papiers, stop les dossiers. Je suis auxiliaire de vie scolaire. J'accompagne un jeune autiste dans les apprentissages majeurs et notamment la lecture. Et par des mots, par une approche de la lecture, j'ai apprivoisé ce jeune enfant. Je lui prête des livres qui n'ont pas tenu à mon fils. Et je lui dis, si tu veux réussir, il faut lire. Et lire, c'est déjà l'ouverture vers le monde. Et j'ai toujours eu plaisir qu'on m'offre des livres. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire. Quand je me suis mariée, on a fait une liste de mariage de livres. C'était inédit à l'époque. On n'avait pas de vaisselle pour manger, mais on avait des livres. Comment vous l'avez fait, cette liste de mariage de livres ? Dans la librairie Mayol, à Rouen. C'était une première pour lui. C'était un monsieur... C'est super comme idée, je trouve. C'était pas mal de livres sur la peinture, notamment. Les impressionnistes. Et puis après, j'ai eu Virginia Woolf. J'ai eu la collection de son journal, donc en 5 tomes, il me semble. Il y a eu Jean Genet. La poésie, ça a été aussi important. La poésie symboliste, notamment. Ça m'a vraiment émue d'entendre Nadine évoquer Jean Genet, parce que Jean Genet a joué un rôle très important pour moi. Et ça me frappe que du journal de Virginia Woolf à Jean Genet, on ait des références. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de romans, de livres de poésie qui ont été écrits depuis que l'humanité publie des livres. C'est quand même extraordinaire que Nadine et moi, qui ne nous connaissons pas, alors évidemment, on est nés dans le même pays avec quelques années d'intervalle, mais quand même, c'est extraordinaire que quand on cite 2 livres, le journal de Virginia Woolf et le journal du voleur, il s'agit de journaux quand même, donc l'intime, etc., etc., mais ça soit des titres communs. Alors, je pense qu'il y a une question d'époque, hein, mais pas seulement ça. Il y a aussi une question d'inspiration et de paysage mental, pour revenir à la poésie ou à Verlaine ou à la poésie symboliste, d'un paysage qui est quand même assez proche. Et je pense que ça renvoie à quelque chose qui est une aspiration diffuse aussi à la beauté et à la liberté. C'était Secret de secrétaire, acte 2, avec Nadine Rogue et Geneviève Rizac. Recherche INA, Gwen Michel. Prise de son, Mathieu Perrault et Andreas Jaffre. Mixage, Bruno Mourland. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire proposé par Charlotte Pouche, réalisé par Anna Smuk. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Kronlund dans Les Pieds sur Terre pour d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Nous allons défendre des droits, mais c'est une autre histoire.